et remballe là ta morale, y'a rien à faire, on écoute pas droit à tel coche, pas l'intention de relancer l'exploit. Je vois tout le reflet d'emploi, que la haine s'attrape froid. Entendre le tic sur les fiertés, on lève comme autrefois. Force, honneur, détermination, truc faut y ouvrir. Les vrais bonhommes sont-ils au bord de l'extinction? Handbag, rouillard, un seul faux pas et la carbac lèvera. Pour un cul ou une rodka, les vrais refrains se comptent sur 5 doigts. Tout ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que les darlots crèvent tous en bas. Que dans ma rue, y'a moins de carbac. Représente mon texte, c'est tout méga. Faut que les rageuses qui nous aiment pas nous foutent en l'air. Ça, ils peuvent pas, c'est que des dinos scarla. Les frères des terres qui font le header. C'est pas le quartier qui fait le bonhomme, mais les bonhommes qui font le terre-terre. Et si t'es pas content, comme dit le rouillard, va niquer ta mère. Ça se monte en l'air pour un tarma. L'amitié se brise pour une red bar. Y'a pas de com-com, pas de ça chez moi. Tous mes lyrics, c'est de la peufra. Ce que je veux toucher, fais pas innocent. Panique pas, carba. Je veux juste faire couler ton sang. T'as pas les reins solides. Ça se ressent, a-t-il un représentant de champagne depuis adolescent? Sais-tu ce qu'on veut? Entre dans nos têtes et enregistre nos aveux, on est tous fougueux. Sais-tu ce qu'on veut? T-Y-R-A-M, fit Attila, de nouvelles têtes pour un son dangereux. Tyran, ça fait 10 ans que je rappe, 10 ans que je frappe, 10 ans que mon faux déboîte, 10 ans que mon style me déroite, 10 ans y'a pas de temps mort, je pense même pas à ma mort. Ma vie peut basculer en une fraction de seconde, je suis fort. Toujours avec des textes d'accord, comme dans un film gore, où je m'appellerai Victor. Tyran pour moi ça me va, c'est la victoire. Je rappe le jour et la nuit. J'ai pas une tête qui donne son corps pour faire des amis. C'est une loi pire qu'aimer plus que l'amour même. Mais où mes textes me mènent, je vois pas où est le problème. Toujours les mêmes repères. Grand frère, j'espère que t'es fier. Qu'à balancer mes failles, c'est que ça que je peux faire. C'est que ça que je préfère. Zéro de mon département. Toujours opérationnel. 49 mon débarquement. Une identité personnelle. De bombes à retardement. C'est bien pour ça qu'on te malmène. Ne fais pas discernement. Car tu vas l'apprendre quand même. Je veux tout ça, fais pas innocent. Panique pas, carba, je veux juste faire couler ton sang. T'as pas les reins solides, pauvre merde, ça se ressent. A-t-il un représentant de champagne depuis adolescent? Sais-tu ce qu'on veut? Entre dans nos têtes et enregistre nos aveux, on est tous fougueux. Sais-tu ce qu'on veut? T-Y-R-A-M, vite Attila, de nouvelles têtes pour un son dangereux. En une surprésentation de ma VK, tu verras, y'a rien de rose ici-bas. On nique les folies, s'y sera, y'a plus d'honneur, regarde ça. On perd des sapes aux 20 balles, tout le monde se porte des coups bas. L'appât du gain, c'est fatal, je t'apporte du lourd, méfie-toi. La galère, une arme létale, représente les frères qui disent l'anglais. Pas les salons qui détalent, je reste vrai pour mes gars. Ma TVRI, elle rap sale, je passe le mic au titan. Tyran, pour qu'il t'explique la mentale. Je suis toujours à fond et ça sent la puissance. 10 ans après, voilà la différence. Toujours franc avec les mêmes pensées, sauf avec plus de nerfs pour pouvoir percer. 02 langue, 49 Angers, une bonne lancée pour une violence non représentée. Grâce à ça, on avance, pas tant de plaisanter. On est censé vous faire bouger, sauter, bouge ton bon die, fous le white groove. Monte que t'es dans le move, devant toutes ces caméras. Tu te verras et tu te rappelleras que c'est one shot party, qu'on bloque party, on n'est pas prêt de partir. Dis-le aux gens qui veulent nous contredire. Bon, bon. C'est pour rendre hommage à Bébé Yves et à son âme. On t'oublie pas, t'inquiète. Quartier Champagne, gros, quartier Champagne. On est toujours là, frère. On représente. On est toujours là, on représente, gros. T'inquiète. Si, si. On l'a, ma gueule. On l'a fait, ma gueule. T'inquiète, on pense à toi. C'est opérationnel. Ce que je veux, tu le sais. T'inquiète, frère. Attila, Tyran, on représente, frère. T'inquiète. Pour toi, Bébé Yves. Mais remballe là ta morale, y'a rien à faire. On écoute pas toi, à tel coche, pas l'intention de relancer l'exploit. Je vois tout le reflet dans le que la haine s'attrape froid. Entendre le tic sur les fiertés, on lève comme autrefois. Sais-tu ce qu'on veut? Entre dans nos têtes et enregistre nos aveux, on est tous fougueux. Sais-tu ce qu'on veut? T-Y-R-A-M, fit Attila, de nouvelles têtes pour un son dangereux.